revient pour braquer, lève tes bras en l'air. Une fois qu'on a appuyé sur la détente, on ne revient plus en arrière. Yeah, y'a plus de pipis, j'ai posé mes deux malins au père. Là où tous les jeunes donnaient que du fil à retendre aux mères. Là où tous les murs étaient marqués tag et tandem. Et de ce coup tu sais sortira ton tien et tandem. Hey, tu sais dans ce rap de merde j'avais ma vision. Je voulais bâtir un empire de plaques aux narines de bison. Ma vie était corsée, mon album a fait un flop. Et mes assos se cassent en tôle parce qu'ils ont braqué le Glock. Puis j'ai traversé le désert 4 ans sans oasis. Jusqu'à ce que Patwil me passe fort pour que je réagisse. Je voulais foncer mais au bout y'a vaincu le sac. Je sais la vie voulait me donner une bonne leçon à coup de batte. J'ai eu la poisse, c'est sur mon toit que ça battait le tonnerre. Je sais pas moi si c'est tous ces dieux qui étaient en colère. Il faut qu'ils comprennent que je dois rester armé sous la soutane. Ici on dort tous avec le canon scié sous le pain. Tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air. J'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. Si tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air, j'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. En 2004, j'avais trop la rage et tout part d'elle. Un couvre-feu, un clash mortel me rendra immortel. Ce soir-là, tu sais, l'audience est au-dessus de la moyenne. On a tous entendu, donc j'crible avec les voyelles. Aujourd'hui, on sait tout ce qu'il faut faire pour que j'existe. Faire un putain de single pour que Bounou me joue en playlist. J'pourrais peut-être pas parce qu'en fait, j'suis hardcore jusqu'au coup. 93 hardcore, puis c'est tout. Si un jour on voit ma sale gueule sur les couvertures, c'est que j'aurais dynamité le trou de souris qui me sert d'ouverture. C'est pas grave, si les coups d'éclat me donnent des cicatrices, le principal c'est que je me sorte de cette matrice. Je suis authentique et ces temps-ci c'est vrai on veut me plotter. Mais moi je suis pas comme ceux qui ont mis leur string sous le côté. Je me lève chaque matin avec une gueule de barbare. J'ai envie de tout niquer et fumer ce système de bâtard. Si tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air, j'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. Si tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air, j'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. Comme cynique, j'ai la main sur le cœur et l'autre, j'l'ai dans le slip. Ma vie tourne au ralenti, mais en fait, tu sais, j'suis dans le speed. Tu sais, dans la région, on a recensé beaucoup de crapules et on a tous appris à bouffer la haine avec la spatule. Après chaque rime, on se dit que c'est la dernière fois, mais essaye un peu d'avancer avec l'ombre du vide derrière toi. On s'est promis de changer depuis l'an 2000, mais faut bien manger à sa faim avant la signature. Du deal. Les pages ont tourné, mais regarde, y'a pas eu de magie. Je vais tout saigner, on entendra parler de l'hémorragie. Moi je m'occupe des rimes et Cauchy sort les bifetons. Et on avance sans sucer de queue et sans piston. Si tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air, j'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. Si tu vois mon revolver, lève tes bras en l'air, j'ai les gros, j'viens pour braquer. Lève tes bras en l'air, j'ai rien à perdre, c'est la merde. Mais il me reste une cartouche et j'avance avec une dose de cyanure dans la bouche. Peut-être qu'un jour, on va me retrouver baignant dans mon sang qui coulera dans le caniveau. Et quand je vais mourir, je vais aller rôtir en enfer. Ça, je peux m'y attendre. Le tout, c'est de se faire cette idée. Pendant qu'on est sur Terre, parce que sinon... Ah